Et on a une deuxième dédicace, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Lise, ne soyez pas timide. Bonjour. On va faire de la place. On a besoin d'un temps de changement de plateau, là. Voilà, il faut faire un tout petit moment de changement. Mais changement de plateau. Instant, c'est la dédicace. Super. Bah, en attendant, on va écouter Eliane Radigue. Ouais, voilà. Ah bon ? D'accord. Ah bon ? On peut aussi écouter Clément. Oui, on peut écouter Clément. Alors. Ah oui, très bien, très bien. Alors, j'ouvre... Ah, non, oui. Alors, je sais pas. Est-ce que tu prends... Ça marche. Ce son n'est pas un problème, c'est normal. Donc, Clément... C'est de la musique. Lise. C'est... Oui. De la musique. Mais quel est ce son ? Mais quel... C'est Eliane Radig. Ouais, c'est une dédicace toute spéciale puisqu'il s'agit d'un concert, d'un micro-concert surprise pour une occasion tout aussi spéciale car oui, aujourd'hui... Non, il faut d'abord que je vérifie qu'il y a de l'internet et qu'il n'y ait pas de son là-dessus. Il y a de la place en haut ? Non, c'est bon. Il n'y a pas de son, je peux tester que ça marche. C'est, bon, c'est tout bon, tu peux lancer le... l'inspiration. Jeanne est en train d'aider Lise à installer son instrument qui est une petite cornemuse de type Hummelchen. Au revoir Clara. Au revoir Clara. Et nous disons au revoir. On n'a pas assez parlé. À Clara Teazis. Ciao ciao. Voilà, Lise gonfle la poche de sa petite cornemuse. Voilà, c'est bon. Alors, j'étais en train de tout décrire comme comment ça. Non, rien, j'étais en train de tout décrire histoire de ne pas perdre les, okay. les 7 auditeurs que nous avons. Okay. Non, regardez, non plus. Alors, c'est une dédicace avec un casse à Otto, la poteau. C'est donc une dédicace Otto. Dédicace Otto. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Tu es avec Lise. Des fois, je suis avec Lise. Et fait un petit mix, là. Des fois, je suis dans l'acousmonium avec Lise. Drop. Bon, j'ai pas réussi à faire. C'est pas grave, ça va trop vite. On s'en fout. C'est du lourd. Est-ce que vous voyez des couleurs? Ah, on les voit, on les voit pas. On les voit, on les voit pas. Les couleurs apparaissent, les couleurs disparaissent. Oh, c'est l'effet Leslie. L'effet stroboscopique de Marcus. Et nous allons faire la désannonce et l'annonce du programme du jour. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci.